Est-ce qu'on devrait, oui ou non, enlever le droit de grève en garderie? Moi, je me la pose la question, là. Oh, ben moi, hein, mon Dieu, c'est plus large que ça. Moi, je serais plus drastique que ça. Le droit de grève, c'est très grave, là, pour des services publics. Payés, financés, là, à même des fonds publics, là. Moi, écoute, on n'est plus à l'époque des années 40-50 où on avait des conditions de travail déplorables et tout ça. Un droit de grève, c'est vraiment, vraiment particulier, là, retirer un service public que tu as payé. C'est un contrat, ça. J'ai payé avec mes taxes et mes impôts un service public que je suis en droit de recevoir. Alors, un droit de grève dans des conditions où ces employés-là sont déjà les privilégiés du système... Ben voyons donc. Si les parents sont pris en otage, aucun doute. C'est très cavalier, hein, cette grève-là aussi. Là. On fait la grève. Arrangez-vous. Il n'y a aucun respect pour les parents, aucun respect pour les enfants. Ils sont en pleine négo, hein. Et la ministre dit, tant que vous êtes dans la rue, on négocie pas, puis ils continuent à sortir, puis à faire des manifs. Exact, Joanne, ils se parlent. Ils se parlent. Oui, oui. Non, c'est vraiment très ingrat. Moi, si j'étais la ministre, là, et tabarouette, j'aurais de la misère à tenir ma langue, là. Ouais. Parce qu'elle, elle doit avoir des indices aussi de son côté sur ce qui se prépare au niveau de la révision des programmes et tout. Puis elle peut pas rien dire, non plus, tu sais. Alors, comment ça va se faire, tout ça? C'est sûr que ça va être couvert là-dedans. Puis elle est pas capable de les retenir et de dire, écoute, non, ils vont faire leur bruit, ils vont faire comme les employés municipaux, ils vont aller dans la rue, ils vont se faire des coalitions et ça finira pas. Alors, travailleuse autonome, garde, tu pourras y repenser. Un travailleur autonome, ça compte pas ses heures non plus, là. C'est des professionnels, puis ils veulent être traités comme des... c'est des professionnels, OK? Ils se disent professionnels avec des diplômes et tout, mais ils veulent être traités comme des travailleurs d'usine remplaçables à tout moment par leur employeur. Tu sais, c'est pas le cas. C'est vraiment précieux ce qu'ils font. Tu sais, si c'était moi, le droit de grève dans tous les services... Tu l'enlèverais-tu? J'enlèverais ça bord en bord. Mais ça, c'est moi. Non, je sais, puis on aime, c'est pour ça qu'on aime te jaser, Joanne. C'est ta couleur, puis ton opinion, c'est ça qu'on veut avoir. En terminant, la politique fédérale, oui. Justin Trudeau, un livre, regarde.